essentiel. Tous à vous toutes, voilà donc eh bien le retour comme tous les mardis après-midi avec l'émission tout simplement. Et un petit bonjour tout simplement à tout le monde qui prenait l'écoute. Voilà donc eh bien on entame tout simplement un nouveau mois. Et oui, nous sommes déjà au mois de mai. Déjà, ça passe aussi très vite les mois. Mais les chansons, ça passe aussi très vite, mais tous les jours, tout simplement. Que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée, et puis c'est ainsi que vous allez continuer l'après-midi, bien aussi, tout simplement en musique. donc, eh bien, je vous laisse du côté des chansons, tout simplement, avec France Gall, et puis suivi de Nicoletta, voilà. Et puis, juste après, ce sera Claude Barzotti. Bon après-midi à vous tous, à vous toutes. Arc-en-ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Tu es en jean basket, tu as le look qui tue, alors pour toi, les années 80 sont de retour.

Voici donc Enrico Macias et puis juste après Goldman, tout simplement. On veut le voir, on veut le voir, on veut le

faire l'amour sur des malentendus. On vit toujours des moments défendus. C'est comme ça. Voici donc de Indochine et puis juste après Michel Polnareff. Je suis plus l'ombre jour.

permis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Je me serais blottie au chaud, à l'abri d'un vent trop fier. Et j'aurais soigné ma peau par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. J'ai construit tant de châteaux qui se réduisaient en ça. J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manquais d'air. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. J'aurais su vous pardonner. Je serais moins seule à présent. Dans mon but, j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans ces mensonges qui tuent. J'ai raté mon premier rôle. Je jouerai mieux le deuxième. Je veux que la nuit s'achève. Heureusement parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. J'emballe tout ce qu'il présente, les cousines, les belles-sœurs. J'ai le démon du bas-ventre, mon métier c'est dragueur. Dès que je rencontre une frangine, je lui dis salut ta, ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Avec mon sac de couchage, je suis dans tous les coups foireux, tous les naufrages. J'ai des potes qui ont de l'argent, ben ils travaillent, c'est normal. Moi mon métier c'est feignant, hey mec, t'as pas 100 balles. J'ai des plans, des combines pour vivre comme un pacha. Hey, viens chez moi, j'habite chez une copine.

ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombie de Carlequin, sa championne est sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme mon pouvoir l'Isla. Être un général d'infanterie, rouler des patins ou proscrit. Femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin. Femme bordel sous sa pelisse et femme banquière planquée en Suisse. Femme dévoreuse de minet, femme directeur de cabinet. À la fois sans salle et publique et femme chirurgien esthétique. Être un major de promotion, parler silence à tout marron. Champion du monde des culturistes et messieurs si impératrice. Femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret. Femme générale d'aviation, rouler des gamelles au flanc. Femme pilote de long courrier, mais femme à la pour contrôler. Canoté jusqu'au port, chartel et aux miroirs pour les défaites. Maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir sous peine. S'installer à la présidence et de la faire bander la France. Femme des années 80, moins colombie de Carlequin. Arc-en-ciel. Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Un grand merci. Muito obrigado. Le dernier bal organisé par Radio Arc-en-Ciel le 13 avril dernier à la salle de Mondition fut un réel succès. Oui, sensationnel. La direction de Radio Arc-en-Ciel vient par ce billet témoigner la reconnaissance et gratitude envers chacun de vous. Merci au conseil d'administration pour le choix et qualité du spectacle. Merci à tous nos animateurs pour l'aide à la diffusion. Merci à tous nos bénévoles, amis et familles de Radio Arc-en-Ciel pour leur implication et votre temps, mais surtout l'énergie. Merci au public fantastique et chaleureux. Tous, vous avez joué un rôle primordial dans le succès du bal de la Révolution des œillets. Bravo à José Balthazar pour l'excellent bailerie. Prévez à Georges Freire et son orchestre, sans oublier tout son staff et ses prêtres. Mais aussi un grand merci à tous nos partenaires et sponsors. Merci aux établissements Mariano à Sémois, à Dope Speciality à Olivet, au restaurant au Grillo à Orléans, au panier du monde à Fleury-les-Aubrais, à l'hôtel des Trois-Vallées à Saran, à RPG International à Orléans, au restaurant Le Tamaris à Fleury-les-Aubrais, au restaurant Assodotti Pico à Fleury-les-Aubrais, à l'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais, au cantine de notre terre à Orléans-la-Sousse, à la DGACCP, à Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portugueses. Merci également à nos sponsors, au bar-restaurant Le Brésilia à Saint-Jean-le-Blanc, à l'entreprise Sergio Dominguez à Terminé, à DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire, au restaurant Polo et Marie à Fleury-les-Aubrais, à SMPRA Valmont à Fleury-les-Aubrais, aux amis du bâtiment à Ingrid, Thon, au Rey du Pôle, à CIMAC à Saran, Aldora Construction à Saran, Baticasa 45 à Chingy, au Rélec à Orléans, MCR 45 à Saint-Denis-en-Val, l'entreprise Olivera à Olivet, la carrosserie Goncalves à Saint-Privé-Saint-Denis, la Taxi Florindo à Pithiviers. Merci également à Carlos Miranda Soto pour le cadeau exceptionnel offert à Radio Arc-en-Ciel. À tous, un grand merci. A todos, un muito obrigado et un beignage. On se donne rendez-vous prochainement, le 6 et 7 juillet, pour la grande fête des Saints Populaires, la Festa dos Santos Populares. Muito obrigado et à très bref. Ciao. Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant. Arc-en-Ciel. The stars in the sky. Gold, et puis juste après, on écoutera Julien Clerc. Les murs de sable à sa course. Soleil d'État, doudou, ma douce. Sur une affiche, Bahamas Beach, bateau qui croise sur mer turquoise. Dans le vacarme, il est bien vague. Sèche tes larmes. On s'en fout, ma doudou, on s'en fout. Ça te fait rire que je t'appelle, ma doudou. Mon amour, je pense toujours quand tu pleures. C'est pas l'heure, il y aura de plus grand malheur. Un bonjour, on mourra, ma doudou. Ça te fait rire quand je dis qu'on va mourir. Ce jour-là, on aura du silence. On n'aura plus d'importance. Ça brûle, le monde court, la terre s'allume. Il s'en fout, ma doudou, il s'en fout. Ça te fait rire que je t'appelle, ma doudou. De toute façon, c'est pour nous tout ce qui tombe. C'est pour nous la pluie, les coups. Bonjour, on mourra, ma doudou. Ça te fait rire quand je dis qu'on va mourir. Ce jour-là, on aura du silence. On aura plus d'importance. On s'en fout, ma doudou, on s'en fout. Ça te fait rire que je t'appelle, ma doudou. Ce jour-là, on aura du silence. On aura plus d'importance. Arc-en-ciel. Square rules are human. Voici donc Eartha-Kitt et puis juste après Gloire Gaynor. Where is my baby? I think Arc-en-ciel. Cordy est suivi de Charles Aznavour. Souvent il m'arrivait

Arc-en-ciel. Tu es en jean basket, tu as le look qui tue, alors pour toi, les années 80 sont de retour. Qui s'appelle David Bowie et puis juste après Patrick Bruel. Blossom fields and blue the season. Promise not to

pour me border l'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle. Peur de l'eau, peur du lit, séduis-la sans délai, suis le swing. C'est le coup de gong du King Bong. Cœur de loup, m'as-tu lu? L'appel au Guédéli, sort du ring. C'est le coup de gong du King Bong. Pas le temps de mentir, ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Je n'ai qu'une seule envie. Si belle, et le crime est si gai. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, de l'eau, ni de quitter la scène. Là, sans délai, elle aura beau rougir, de toute façon, oh là là, il faut qu'elle m'aime. Joli, pas l'eau, le temps de tout lui dire, de l'eau, ni de quitter la scène. Elle aura beau rougir de toute façon, elle m'aime. Joli, dans pas le temps tout lui dire de l'eau, ni de quitter la scène. Elle aura beau rougir de toute façon, elle m'aime. après Kinologue, je vous laisse avec le groupe Colon the Gang et puis après Imagination.

où ça coule à Courtine, pour elle, pour aux ans, tant de défis fascinent pour un voyage intense. Allez, viens, je t'invite au pays des maçons, où les rivières coulent comme des belles chansons. Sous des forêts immenses, au parfum des tourbières, dans le cœur de la France, la Creuse a tout pour plein. Combien de grands artistes ont pu s'en inspirer, tous les impressionnistes un jour se sont croisés. Les cités médiévales, aux rivières symboliques, c'est rien que du régal, ces paysages uniques. Allez, viens, je t'invite au pays des maçons, où les rivières coulent comme des belles chansons. Sous des forêts immenses, au parfum des tourbières, dans le cœur de la France, la Creuse a tout pour plaire. Allez, viens, je t'invite au pays des maçons, où les rivières coulent comme des belles chansons. Sous les forêts immenses, au parfum des tourbières, dans le cœur de la France, la Creuse a tout pour plaire. En face de nos gens, de l'autre côté de la Marne, c'est à le flambant neuf, le petit Robinson. Vous viendrez, j'en suis sûr, tout seul ou bien en bande, passer une soirée à Joinville-le-Pont. Vendredi, samedi, ensemble on fait le pont au petit Robinson. Chantant rit au milieu des flonflons, au petit Robinson. Le dimanche on revient à Joinville-le-Pont, au petit Robinson. Entraînez vos amis dans ce détourbillon, au petit Robinson. L'on vous servira crustacés et grillades, au printemps, à l'été, jusqu'au grand frimas. Vous pourrez profiter des charmes de la Marne. Le petit Robinson vous ouvre grand les bras. Vendredi, samedi, ensemble on fait le pont. Oh, petit Robinson, en dansant, chantant, rit au milieu des flonflons. Oh, petit Robinson, le dimanche on revient à Joinville-le-Pont. C'est des tourbillons, au petit Robinson. En pédale, en train, en moto, en voiture, allez tous, allez donc à Joinville-le-Pont. Vous pourrez gambiller au son de l'accordéon. Allez vous explodir au petit Robinson. Vendredi, samedi, ensemble on fait le pont. Petit Robinson, en dansant, chantant, rit au milieu des flonflons. Oh, petit Robinson, le dimanche on revient à Joinville-le-Pont. Oh, petit Robinson, entraînez vos amis dans ce détourbillon. Oh, petit Robinson. Près des fresques en fleurs, le cœur en cavalcade, vous pourrez déguster un bon petit vin blanc. Et puis sous ses tonnelles, sur le bord de la Marne, vous verrez défiler vos rêves et les saisons. Vendredi, samedi, ensemble on fait le pont. Au petit Robinson, en dansant, chantant, rit au milieu des flonflons. Au petit Robinson, le dimanche on revient à Joinville-le-Pont. Au petit Robinson, entraînez vos amis dans ce détourbillon. Au petit Robinson. We'll be right back. vendredi, samedi, ensemble on fait le pont. Au petit Robinson, on danse, on chante, on rit, au milieu des flanflans. Au petit Robinson, le dimanche on revient à Jean-Ville-le-Pont. Ce qui est trop mignon, oh petit Robinson. Un, deux, trois, vous êtes à la télévision dans toutes les régions. Un, deux, trois, vous êtes, c'est le rendez-vous de l'accordéon. Un, deux, trois, vous êtes à la télévision dans toutes les régions.

Arc-en-ciel. Oh, talk to me, so you can see what's going on.